un petit logement. Alors, t'as bien réfléchi? Tu ne veux pas me louer ta chambre du fond? Une fois? Deux fois? Non, non. Pour 60 francs. Pas pour 1000. Eh ben garde-la, t'as eu ta cochon. Tiens, veux-tu que je te dise? Tu ne vaux pas mieux que les autres. T'es qu'un feignant, toi aussi. Et toi, t'as qu'un mal appris. Crachant, en signe de mépris, dans la direction du seuil de son interlocuteur, Arsène Barry, dit Kaken, quitta, après une bordée de jurons, le père désiré, et dans le crépuscule tombant, reprit, à pas lents, la direction du logis qu'il occupait vers le haut du village. Arsène Barry cherchait un logement. À la Saint-Martin dernière, qui est l'un des deux termes de l'année paysanne, son propriétaire, Ferré Oltournier, l'avait, sans façon aucune, prévenu qu'il en avait assez d'un locataire aussi mauvaise langue que lui, et qu'il eût à songer à prendre ses clics et ses claques pour le 25 mars prochain. L'explication qu'ils avaient eue alors avait été des plus orageuses. Kaken, qui avait passé quelques mois à Paris, avait traité l'autre de sale vautour. Puis on s'était, avec force image, comparé aux animaux les plus disgraciés et les plus mal réputés de la terre. Sur quoi, Maître Tournier, exaspéré, avait mis son locataire au défi de trouver au pays quelqu'un qui voulut, même à prix d'or, accepter de l'héberger une nuit à l'écurie. Et Kaken, dans un ricanement hautain, pariait 1000 francs, dont il n'avait d'ailleurs pas le premier écu, qu'il trouverait sans chercher 100 logis pour un seul, et qui vaudrait tous mieux que la boîte à puces que l'autre avait eu le front de lui louer pour 40 francs par an. Il faut croire pourtant que cette dernière affirmation était un peu aventurée, car on était fin février, et depuis 2 mois qu'il s'adressait à ses compatriotes, détenteurs de locaux vacants, Arsène Barry essuyait partout le même refus, accompagné de cette invariable explication. « T'es trop mauvaise langue, mon garçon. » Il était de notoriété publique, en effet, à Velleran et aux environs, que le sieur Kaken n'était pas la perle des locataires, ni le modèle des camarades. Très curieux de son naturel, il était toujours informé avant quiconque des menus potins du pays et n'avait pas son pareil pour les répandre et les amplifier. Pas un qui n'eût passé par son laminoir. C'était surtout le dimanche, après la messe, devant un pernaud bien tassé, qu'il fallait le voir et l'entendre. Un tel mettait de l'eau dans le lait qu'il portait à la fromagerie. La maison de celui-là était hypothéquée jusqu'à la dernière et seule. Tel autre couchait avec la femme du voisin. Le curé était un vieux cochon, et le maître d'école un fainéant. Nul n'échappait à sa dent, et comme il était solide, bien musclé et assez braque de son naturel, qu'il menaçait élégamment de casser la gueule à quiconque lui chercherait noise, il était aussi détesté que craint dans le pays. Il y vivait pourtant, soit en faisant le terrassier, soit en bricolant à de vagues besognes de charpentier et de maçon, soit encore, au moment des travaux, en se louant comme journalier pour faucher les foins et les blés. On ne l'occupait, il est vrai, qu'à contre-cœur et quand on ne pouvait pas faire autrement. Mais comme le village manquait d'ouvriers agricoles, beaucoup de cultivateurs, tout de même, certains jours où l'ouvrage pressait dur, étaient bien contents de le trouver là, et de solliciter, contre argent comptant, ses services. Cela ne pouvait cependant pas toujours durer. À la suite d'une affaire dans laquelle le village tout entier avait failli, par la faute de sa langue, en venir aux mains, un homme énergique parmi les anciens de la commune avait réuni quelques-uns de ses camarades. Et là, après avoir décidé son propriétaire à le flanquer à la porte, on avait avisé au moyen de l'empêcher de retrouver, coûte que coûte, dans la région, un nouveau logis. Il s'en irait semer la discorde et la zizanie ailleurs, où il voudrait, pourvu que le pays fût débarrassé de sa personne. Et voilà pourquoi, depuis 2 mois, malgré de savantes entrées en matière et d'insidieux discours, Kaken ne trouvait personne qui consentît à lui louer, même en payant d'avance et à un taux certes fort élevé pour le canton, la chambre qu'il sollicitait. Après les premiers refus, il avait souri, hautain et méprisant. Mais à présent qu'il soupçonnait l'entente secrète et flairait la conspiration, il ne décolérait plus. « Ah, tas de cochons, salaud » grognait-il en remontant chez lui. bougre de canaille. Ah, vous voulez que je fiche le camp d'ici? Eh ben non, je m'en irai pas. Et bon gré mal gré, vous me logerez, oui, vous me logerez. Je le jure sur les tripes de mon père. À dater de ce jour, Kaken ne travailla plus, et sans doute pour mûrir en toute tranquillité son plan de campagne, hanta fort régulièrement les divers bouchons de la commune, proclamant sur tous les tons que les indigènes de Vellerand n'étaient que des sauvages, des gens foutres et des lâches, et qu'il lui paierait tout ça en bloc plutôt qu'il ne le pensait. On n'avait pas été trop rassuré au début. On craignait même qu'il ne lui vînt l'idée de mettre le feu aux quatre coins du village. Simple histoire d'obliger ses compatriotes à chercher eux aussi des logements. Mais rien de ce genre n'arriva, et l'on reprit entièrement confiance quand on constata qu'il ne dessoulait plus et vendait même, pour continuer à boire, tout ce qui lui appartenait, sauf quelques hardes et ses outils. On en conclut qu'il allait quitter Vellerand pour repartir, comme jadis, sur le Trimard, et chacun respira. Il continuait pourtant à menacer le village de représailles mystérieuses. « Vous me le paierez !» Mais cela ne prenait plus, et tous étaient persuadés qu'il ne gueulait ainsi que pour effrayer les gens. Du 18 au 25 mars, à l'auberge où il s'installa à demeure de l'ouverture à la fermeture, il ne cessa, en liquidant ses derniers écus, de débiter sur chaque habitant tout ce qu'il savait, et même ce qu'il ne savait pas. Puis, le 25 au soir, son sac d'outils en bandoulière et son baluchon sur l'épaule, il fit au bistrot et à ses clients des adieux ironiques, rien moins que polis. « Je pars chercher un petit logement. Mais soyez tranquille, tas de salauds, vous me reverrez. »« Bon voyage !» crièrent quelques spectateurs en suivant du regard sa haute silhouette qui s'enfonça peu à peu et disparut dans la nuit. Depuis un mois, le village n'avait aucune nouvelle de Kaken et ne cherchait pas à en obtenir, trop heureux d'être débarrassé à si bon compte. On se félicitait et on triomphait. Ces menaces, pouh, des paroles de sous-l'eau, comment avait-on pu le supporter et le craindre si longtemps? Ce fut vers cette époque que la mère Désirée, sans qu'on sût pourquoi ni comment, fut prise de coliques bizarres qui l'obligèrent à s'aliter. Deux ou trois jours après, plusieurs autres personnes, des enfants surtout, atteintes de vomissements suspects, durent à leur tour garder la chambre et le lit. Et tout le village, bientôt, à des degrés variants selon la constitution et la force de résistance de chacun, fut en proie à des malaises étranges, symptômes inexplicables d'empoisonnement. Le médecin appelé n'y avait d'abord rien compris et avait pensé que cela passerait. Mais comme la mère Désirée agonisait, et que quelques autres ne valaient guère mieux, il jugea que l'enquête rigoureuse et sévère qui s'imposait devait lui faire découvrir la source occulte de cette extraordinaire épidémie. Ses soupçons se portèrent sur l'eau, véhicule naturel des germes contagieux. Pour procéder méthodiquement, il commença par se rendre chez le maire et s'enquit de l'état des sources alimentant la commune. « Nous avons un grand réservoir qui dessert toutes nos fontaines, déclara son interlocuteur. La clé s'en trouve à la mairie, mais jamais personne au pays n'a eu à se plaindre de l'eau. Il faut pourtant que j'en prélève un flacon pour l'analyser, insista le docteur. De votre côté, vous ferez bien de visiter votre château d'eau et d'en effectuer un curage sérieux. Je ne serais pas étonné qu'on y découvrit quelque chose d'anormal. Allons donc, protesta le maire. Notre eau n'a pas sa pareille dans tout le canton, mais puisque vous y tenez. Accompagné des conseillers municipaux, du secrétaire de mairie et de quelques notables, les deux hommes se dirigèrent du côté du réservoir, où l'on arriva bientôt. La clé, introduite dans la serrure, refusa de tourner, et comme le secrétaire la retirait, la porte s'ouvrit toute seule. Voilà qui était bizarre. Elle n'était pas verrouillée, alors qu'elle aurait dû l'être à double tour. Féréol, qui, pour la circonstance, s'était muni d'une forte gaffe de fer, s'exclama, furibond, « Pourvu que cette fripouille de Kaken ne nous ait pas flanqué un chien crevé dans le réservoir ?» Et il jeta la sonde qu'il promena sur le fond. L'exploration ne dura pas longtemps. Féréol soudain blêmit. Il venait de toucher quelque chose de volumineux et de pesant. On dut l'aider à retirer son crochet, alourdi du poids mystérieux qui y était suspendu. C'est bizarre, remarquait le médecin. Un corps d'animal noyé devrait presque flotter sur l'eau. Le groupe, anxieusement, suivait la perche qui peu à peu remontait. Tuméfié, méconnaissable, la masse informe d'un corps violacé, noirâtre, aux chairs blettes, tombant en décomposition, creva la surface sombre et bouillonnante du liquide. Et l'on vit un homme aux cheveux et à la barbe rongée sur la face, duquel nul d'abord n'aurait pu mettre un nom. On recula, et il n'y eut parmi tous ceux qui étaient présents qu'un même cri d'horreur. Blême, Ave, les notables de Vélran faisaient de violents efforts pour ne pas vomir. Hissé jusqu'à l'ouverture du réservoir, le cadavre fut déposé sur le sol, et après un minutieux examen, aux vêtements et aux sacs d'outils, quelques-uns des témoins de cette scène reconnurent dans l'être qu'ils avaient devant eux Kaken, le disparu. Des hoquets de dégoût convulsèrent de nouveau leur face hâlée, zébrée de rides. Depuis un mois, ils avaient bu de l'eau dans laquelle mijotait ce noyé. Depuis un mois, tout le pays s'abreuvait de cette pourriture. La crapule. Enfin, sur l'ordre du docteur, on transporta dans la salle de mairie le funèbre colis que deux hommes dévoués dévêtirent et fouillèrent. C'était à n'en pas douter Kaken, sans autre chose dans ses poches que son livret militaire, aux feuillets détrempés et collés, et dans la doublure de sa veste, une petite boîte en métal très solide, soigneusement close et comme soudée par la rouille. On l'ouvrit avec difficulté, et une lettre apparut, à peine humide, tant la fermeture était hermétique. Elle était adressée à messieurs les habitants, à messieurs les conseillers et à monsieur le maire de Vélran. Avec une fébrilité très compréhensible, ce dernier la décacheta aussitôt, et dans le grand silence qui s'était établi, en donna lecture à haute voix. Elle était bien signée Arsène Barry, dit Kaken, et ne comportait que cette simple phrase. Eh ben, tas de salauds, je vous l'avais pourtant prédit. Je l'ai trouvé tout de même, mon petit logement, et je vous emmerde.